Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex. Je fume de la douce drogue, salope, le soir je me couche mort. Je n'ai plus de cash dans mes cauchemars, je n'admire que la soie, le cachemire. Fait belle cataracte, je passe à l'attaque. Cette vieille peau veut que je crache sur sa cataracte avec quatre arabes. J'ai pas le corps pur, pur, mais j'ai un cœur d'or, d'or. Neuf à le mort d'or, m'habite dans ton cul, un corps fort. J'élabore une formule, faites à base de formol. Tourne la roue de la fortune, car je veux tout l'or de Fort Knox. Yes. Je pense qu'à m'acheter un beau pull. Salope, tu veux que l'on copule. Écarte tes lèvres et puis ton gros cul. Puis j'examinerai tes ovules. Dans ta bouche, tu vas faire des grosses bulles. Je pense qu'à briser des rotules, détériorer tous les modules. Drapeau rouge et blanc comme des globules. Ta zone, on la connaît, yeah. La fond, je suis abonné là, hier. Yeah. Qu'est-ce que tu connais dans la S? Moi, j'ai zoné dans ses fesses siliconées, yeah. Ce fils de pute, j'ai déjà donné. Et pour des thunes et faire un semblant de bichonner, yeah. Codéine, j'ai tout siphonné. Zéro vista, tous tes appels sont téléphonés, yeah. Jeune robot conditionné, vers le ciel on est positionné. Je vais les saucissonner, ces négros savent que je leur pissonner. Jeune dans la belle comme ça, yeah. Seul je vais les baiser comme ça, yeah. Yeah, c'est la pétasse comme ça, c'était tous mes refs, mais c'est tous des lobes ça, yeah. Race dans mes valises, je veux des milliers, je veux des races dans mes valises, yeah, yeah, yeah. Qui m'analyse, tous ces gens et toutes ces putes qui m'analysent, yeah, yeah, yeah. Je pense à ceux qui m'en veulent, ce soir j'ai noirci la feuille et je suis pété. L'humain n'amène que la mort à l'infini, l'histoire de Gomorrah va se répéter, yeah. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Travaille tout le temps pour ses vrais, Elias, pas le temps de faire les feignasses. Yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yes, Rex, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes, Rex, yeah, yes,